La première épître de Paul à Timothée. L'apôtre Paul est l'auteur principal des épîtres du Nouveau Testament. Il les a envoyées, pour 9 d'entre elles, à des églises établies en Asie mineure, en Grèce et en Italie. Par ces épîtres, il s'adresse chaque fois à une communauté entière dans le but d'édifier tous les croyants de cette communauté. Mais l'épître de Paul à Timothée est d'un caractère différent. Elle est l'une des épîtres pastorales, ces lettres personnelles que l'apôtre a destinées successivement à Timothée, à Tite et à Philémon. Examinons pour commencer ce que le Nouveau Testament dit au sujet de Timothée. Fils d'une mère juive et d'un père grec, Actes 16.1, Timothée avait grandi en Asie mineure, dans la ville de Lystre, où Paul avait été lapidé lors de son premier voyage missionnaire, Actes 14-19. Peut-être est-ce en pleine persécution que le Seigneur s'était révélé à Timothée. Les chrétiens de l'endroit rendaient de lui un bon témoignage, Actes 16-2. Et lorsque Paul revint à Lystre au cours de son deuxième voyage missionnaire, Timothée était prêt à répondre à l'appel de Dieu et à accompagner les apôtres en Asie mineure et en Grèce. Timothée a été élevé dans la foi par sa mère Eunice et sa grand-mère Loïs, deux femmes profondément croyantes, comme le précise 2 Timothée 1.5. L'on ne dira jamais assez combien décisives peuvent être les influences chrétiennes exercées pendant les années de jeunesse. Paul le rappellera plus tard à Timothée en ces termes. « Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. » 2 Timothée 3.15. Au cours des années, Dieu forme ce jeune homme, le prépare aux lourdes responsabilités qui pèseront un jour sur ses épaules lorsqu'il deviendra l'aide et le bras droit de l'apôtre. Et, lors de la détention de Paul, Timothée sera chargé de missions délicates et difficiles lorsqu'il sera envoyé auprès des églises pour instruire les chrétiens et réfuter les adversaires de l'Évangile. Paul entretient des liens très étroits avec Timothée, à qui il fait entièrement confiance. Ainsi, il écrit aux Philippiens « Vous savez que Timothée a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile avec moi, comme un enfant avec son père. » Philippiens 2, 22. Et aux Corinthiens « Si Timothée arrive, faites en sorte qu'il soit sans crainte parmi vous, car il travaille comme moi à l'œuvre du Seigneur. » 1 Corinthiens 16, 10. De plus, Paul associe le nom de Timothée à la plupart de ses épîtres, Romains, 2 Corinthiens, Philippiens, Colossiens, 1 et 2 Thessaloniciens et Philémon. C'est dire que Timothée le seconde aussi de façon effective dans son ministère de correspondance pour l'édification des croyants. La première épître à Timothée est vraisemblablement rédigée en l'an 64. Paul est alors prisonnier à Rome. Il n'a pas abandonné tout espoir d'être relâché. Pourtant, il n'ose compter sur la prétendue clémence de Néron et il voit déjà en Timothée le disciple capable de reprendre le flambeau lorsqu'il l'échangera contre la couronne. L'apôtre appelle Timothée « son enfant légitime en la foi » 1 Timothée 1.2 parce qu'il l'a lui-même engendré en Christ. Il l'engage à être un bon ministre de Jésus-Christ, 1 Timothée 4.6, en exposant la saine doctrine aux frères dans la foi. Timothée n'a pas encore beaucoup d'expérience. Aussi Paul l'encourage-t-il en ces termes, 1 Timothée 4.12. « Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. » L'apôtre exhorte aussi son jeune collaborateur à la fidélité en toutes circonstances, ce que nous voyons au chapitre 6. Et l'épître s'achève sur cette note pathétique, 1 Timothée 6.20. « Ô Timothée, garde le dépôt !» Quel est-il, ce dépôt confié par le grand apôtre à l'homme que Dieu a choisi pour lui succéder dans le ministère? C'est celui de la foi. Cette foi sacrée, pour laquelle plusieurs martyrs ont payé le prix suprême déjà du temps de Timothée. Depuis lors, d'innombrables témoins sont demeurés fidèles à cette foi, ayant même sacrifié leur vie pour elle et pour la cause de l'Évangile. Mais comment pouvons-nous livrer le bon combat de la foi? Il faut d'abord que cette foi vivante anime notre vie quotidienne, puis qu'elle se prouve dans l'Église. C'est bien là la préoccupation de l'apôtre lorsqu'il écrit la première épître à Timothée. Il y engage son jeune disciple à exhorter les communautés évangéliques de l'époque pour leur souligner les implications pratiques de la foi. La mission confiée à Timothée peut se résumer dans cette phrase du chapitre 3, verset 15. « Si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant. » L'expression « maison de Dieu » est un peu le mot-clé de l'Épître. Ce terme ne doit pas évoquer pour nous un bâtiment, ni même un sanctuaire. La maison de Dieu désigne l'ensemble des croyants rachetés par le sang de Christ, c'est-à-dire l'Église qui est à la fois universelle et invisible, l'Église qui sert fidèlement Jésus-Christ sur la terre. Dans la maison de Dieu, il y a des dangers à éviter et des règles à suivre pour le bien de tous. L'apôtre en traite dans ses chapitres, afin que Timothée sache comment se conduire dans la maison de Dieu. D'abord, des menaces pesaient sur la maison de Dieu. Paul dénonce l'hérésie et l'impiété qui voulaient s'y introduire, 1 Timothée 1, 1 à 11. Puis il rend son témoignage personnel et il invite Timothée à se comporter comme lui lorsqu'il exerce son ministère au sein de la maison de Dieu, versets 12 à 20. Ensuite, il est des priorités à observer dans la maison de Dieu. Et la prière en est une, chapitre 2, versets 1 à 8. Une saine discipline doit aussi s'y exercer. C'est pourquoi Paul montre successivement le rôle de la femme chrétienne, chapitre 2, versets 9 à 15, les qualifications des évêques, chapitre 3, versets 1 à 7, et les caractéristiques des diacres, ces hommes qui remplissaient un ministère en accomplissant des tâches pratiques dans la maison de Dieu, chapitre 3, versets 8 à 13. Au chapitre 5, il reprendra le thème du comportement dans la maison de Dieu en parlant successivement des veuves, des anciens et des serviteurs. En complément, les chapitres 4 et 6 parlent de l'homme de Dieu lui-même. Il est un modèle pour tous en pleine maison de Dieu. Il s'applique à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement, 1 Timothée 4, 13. Il redouble de vigilance, 1 Timothée 4, 16, et surtout, il se détourne du monde et de ses tentations, ce dont il donne l'exemple aux membres de la maison de Dieu. « Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience et la douceur. Combat le bon combat de la foi. » 1 Timothée 6, 11 à 12. Ce combat est d'autant plus vital que les temps sont difficiles. Paul fait allusion aux dangers de l'heure qu'il traverse pour en prophétiser une autre, combien plus périlleuse encore, l'heure de la tentation dans laquelle nous sommes plongés aujourd'hui. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. 1 Timothée 4, 1 à 2. Nous avons tous à réagir devant l'impiété, la séduction et l'abandon de la foi qui caractérisent notre époque. Il nous faut conquérir du terrain pour Dieu, sinon l'esprit du monde et l'impiété nous conquerront. Le Seigneur voudrait voir en nous des résistants face à l'offensive de l'enfer, des sentinelles qui demeurent debout quand d'autres tombent, des combattants qui déjouent les attaques de l'adversaire de Dieu. C'est un peu ce que Paul écrivait à Timothée au chapitre 4, verset 10. « Nous travaillons, en effet, et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant qui est le sauveur de tous les hommes, surtout des croyants. » Dans les 6 chapitres de cette première épître de Paul à Timothée, Jésus-Christ est présenté sous divers titres et attributs. Il est notre espérance, chapitre 1, verset 1. Il est le médiateur entre Dieu et les hommes, chapitre 2, verset 5. Il se manifestera un jour comme roi des rois et seigneur des seigneurs, chapitre 6, verset 15. Mais avant tout, il est le sauveur de tous les hommes et surtout le sauveur des croyants, 1 Timothée 4, 10. Peut-être est-il opportun d'insister sur cette dernière présentation de Jésus-Christ. Il est le sauveur de tous les hommes parce qu'il a acquis par son sang versé à la croix du calvaire un salut parfait et éternel accessible à tous les hommes. Cela ne veut pas dire que tous en profiteront automatiquement, car Dieu laisse les hommes libres de leur choix. Mais Dieu, quant à lui, est disposé à accorder le salut à tout homme, car pour lui, chacun a la possibilité d'être sauvé pour la vie et pour l'éternité. Mais soyons précis, seuls ceux qui se repentent de leurs péchés et acceptent pour eux-mêmes le sacrifice de Christ sont au bénéfice de l'œuvre accomplie par Christ à la croix. Ils reçoivent de lui et par sa parole pardon des péchés, paix du cœur et certitude absolue quant à la délivrance future et la vie éternelle. Dès lors, Jésus-Christ devient leur sauveur de tous les jours et ils entretiennent une relation directe avec lui. Pour eux, Christ n'est pas seulement le sauveur de tous les hommes, il est leur sauveur personnel, car ils ont découvert en lui un conseiller pour leurs décisions, un défenseur dans l'adversité, un consolateur dans l'épreuve, un guide fidèle en toute situation. Non, le sauveur des croyants n'a jamais déçu personne et il ne vous décevra pas non plus. Un voyage de 1000 kilomètres commence par le premier pas, dit un proverbe chinois. Le premier pas du voyage vers le ciel, c'est celui que vous ferez par la foi lorsque vous accepterez Christ dans votre cœur comme sauveur personnel. Faites ce pas dès cet instant et le vrai bonheur remplira votre vie. Voulez-vous vous décider pour Christ aujourd'hui? Et pourquoi pas vous décider pour Christ maintenant ?